Le temps du cœur. Ingeborg Bachmann et Paul Celan, correspondance. Première émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Le poète surréaliste Paul Celan, dont j'ai pu faire la connaissance avant-hier soir et qui est très fascinant, est merveilleusement tombé amoureux de moi. Et cela met un peu d'épices dans ma vie sinistrement laborieuse. Il va falloir hélas qu'il s'en aille à Paris dans un mois. Ma chambre est en ce moment un vrai champ de coquelicots, car il se plaît à me submerger de fleurs de pavot. Lettre d'Ingeborg Bachmann à ses parents, Vienne, 25 mai 1948. Ingeborg Bachmann et Paul Celan, les deux représentants les plus importants de la poésie lyrique allemande de l'après-guerre, se rencontrent au printemps 1948, dans la Vienne encore occupée par les troupes alliées. Ingeborg Bachmann, dont le père a adhéré au parti nazi autrichien en 1932, prépare son doctorat de philosophie. Paul Celan, né à Tchernowitz, ancienne ville de l'Empire austro-hongrois devenue roumaine depuis la fin de la guerre, dans une famille juive de langue allemande, a perdu ses deux parents dans un camp d'internement en 1942 et a été envoyé dans un camp de travail forcé en Moldavie avant d'être libéré par les Russes en 1944. Dès lors, hanté par la Shoah, Paul Celan tente d'exorciser le démon nazi à travers l'écriture de poèmes destinés d'abord au public allemand. En 1947, il s'installe à Vienne et compose son premier recueil poétique, « Le sable des urnes ». La correspondance d'Ingeborg Bachmann et de Paul Celan, qui compte presque 200 documents, cartes postales, télégrammes, dédicaces, lettres, envoyées ou non, s'ouvre sur le poème « En Égypte » que Paul Celan offre à la jeune femme pour ses 22 ans. Le poète juif, frappé par l'Holocauste, vient de tomber amoureux de la fille d'un nazi, héritière malgré elle d'une culpabilité assassine, alors même qu'elle se sait juive de cœur. Ensemble et séparément, pendant près de 20 ans, ils vont tenter de combattre le refoulement et l'oubli. Mais leur passion amoureuse est comme condamnée à ne jamais connaître le repos et la stabilité. Paul Celan s'installe à Paris. Ingeborg Bachmann continue ses études à Vienne. Leurs mots tentent de suppléer à l'éloignement des corps, mais au fil des mois, ils se heurtent fatalement à la roche des malentendus et des non-dits. Vienne, printemps 1948. En Égypte, pour Ingeborg. Tu diras à l'œil de l'étrangère, sois l'eau. Tu chercheras dans l'œil de l'étrangère celles que tu sais dans l'eau. Tu les appelleras pour les faire sortir de l'eau, Ruth, Noémie, Myriam. Tu les orneras quand tu seras couché auprès de l'étrangère. Tu les orneras des cheveux nuages de l'étrangère. Tu diras à Ruth, à Myriam et à Noémie, voyez-vous, je dors avec elle. Tu orneras l'étrangère à tes côtés pour qu'elle soit la plus belle. Tu l'orneras de la douleur éprouvée pour Ruth, pour Myriam et Noémie. Tu diras à l'étrangère, vois-tu, j'ai dormi avec celle-ci. À celle qui prend la peine d'être la précise, 22 ans après le jour de sa naissance, le péniblement imprécis. Vienne. Noël 1948. Lettre non envoyée. Cher, cher Paul. Hier et aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à toi, ou plutôt à nous. Je ne t'écris pas parce que je voudrais que tu m'écrives de nouveau, mais parce que cela me fait plaisir maintenant et parce que j'en ai envie. J'avais aussi l'intention de te rencontrer quelque part à Paris dans les prochains jours, mais finalement, mon bête et vaniteux sens du devoir m'a retenu ici et je ne suis pas partie. D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire, quelque part à Paris ? Je n'en sais rien du tout, mais je suis sûre que de quelque manière, c'eût certainement été beau. Il y a 3 mois, quelqu'un m'a offert de façon inattendue ton volume de poèmes. Je ne savais pas qu'il avait paru. C'était si... Le sol était si léger et flottant au-dessous de moi, et ma main a un peu, un tout petit peu tremblé. et puis de nouveau il n'y a plus rien eu pendant longtemps. Je ne sais toujours pas ce qu'a signifié le printemps passé. Tu sais bien que je veux toujours tout savoir très exactement. Il était beau, et les poèmes, et le poème que nous avons fait ensemble. Aujourd'hui je t'aime et tu es si présent. Cela, je tiens absolument à te le dire. Il m'est souvent arrivé à l'époque de ne pas le faire. Dès que j'aurai le temps, je viendrai pour quelques jours. Mais accepteras-tu de me voir? Une heure ou deux? Beaucoup, beaucoup de choses affectueuses. À toi, Ingeborg. Paris, 26 janvier 1949. Ingeborg, essaie d'oublier un instant que je me suis tue si longtemps et si obstinément. J'ai eu beaucoup de chagrin, plus que mon frère ne pouvait, une fois encore, m'en soulager, mon cher frère, dont tu n'as certainement pas oublié la maison. Écris-moi comme si c'était à lui que tu écrivais. À lui qui pense toujours à toi et qui a enfermé dans ton médaillon la feuille qu'à présent tu as perdue. Ne me fais pas attendre, ne le fais pas attendre. Je t'embrasse, Paul. Vienne, 12 avril 1949. Chérie, toi. Je suis contente que cette lettre soit arrivée, et voilà que je t'ai de nouveau fait attendre si longtemps, sans intention aucune et sans la moindre pensée désagréable. Tu dois bien savoir toi-même que cela arrive parfois, on ne sait pas pourquoi. Deux ou trois fois, je t'ai écrit une lettre et puis je ne l'ai finalement pas envoyée. Mais c'est sans importance puisque nous pensons l'un à l'autre et qu'il en sera sans doute ainsi encore très longtemps. Je ne parle pas qu'à ton frère. Aujourd'hui, ce n'est presque qu'avec toi que je parle. Car à travers ton frère, c'est bien toi que j'aime. Et il ne faut pas que tu penses que je suis passée à côté de toi. Bientôt le printemps sera de nouveau là, lui qui l'année dernière était si étrange et si inoubliable. Je ne traverserai certainement plus jamais le Stadtpark sans savoir qu'il peut être le monde entier et sans redevenir le petit poisson d'alors. Que tu as du chagrin, je l'ai senti tout le temps. Fais-moi savoir si ça peut t'aider de recevoir plus de lettres. Cet automne, des amis m'ont offert tes poèmes. Ce fut un triste moment, parce que c'était par des inconnus qu'ils me parvenaient et sans un mot de toi. Mais chacun de tes vers a tout réparé. Peut-être te fera-t-il plaisir d'apprendre que parfois on me demande des nouvelles de toi. Il y a quelque temps, j'ai même dû donner ton adresse à des gens de Graz pour les satisfaire. Et la petite Nanny et Klaus Demus continuent d'avoir les yeux qui s'illuminent quand ils parlent de toi. Aujourd'hui, je comprends bien que tu as pris la bonne décision en allant à Paris. Que dirais-tu si cet automne, j'étais moi aussi tout d'un coup là-bas? Je suis censée avoir une bourse après mon doctorat pour aller en Amérique ou à Paris. Je n'arrive pas encore tout à fait à y croire, ça serait trop beau. En ce qui me concerne, il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai beaucoup de travail, mes études touchent à leur fin. À côté de cela, j'écris pour des journaux, pour la radio, plus qu'avant. Je voudrais encore te dire, pour finir, que la feuille que tu as mise dans mon médaillon n'est pas perdue, même s'il se trouve qu'elle n'y est plus depuis longtemps. Je pense à toi et je continue à t'écouter attentivement. Ingeborg. Vienne, fin mai, début juin 1949. Lettre non envoyée. Paul, cher Paul, je me languis de toi et de notre conte de fées. Que faire? Tu es si loin de moi, et tes cartes avec quelques mots de salutation qui me satisfaisaient il y a peu de temps ne me suffisent plus. Hier, Klaus Demus m'a donné des poèmes de toi que je ne connaissais pas, et aussi trois poèmes récents. J'ai du mal à supporter qu'il me soit parvenu après un tel détour. S'il te plaît, je t'en prie, ne tolère pas cela. Il doit bien y avoir quelque chose qui soit là pour moi aussi. Je les lis mieux que les autres, parce que c'est en eux que je te rencontre. Pour moi, il s'agit toujours de toi. Je me creuse beaucoup la cervelle à ce sujet, et je te parle, et je prends ta tête étrangère et sombre entre mes mains, et je voudrais pousser de côté les pierres qui pèsent sur ta poitrine, libérer ta main des œillets et t'entendre chanter. Il ne m'est rien arrivé qui me fasse d'un seul coup penser plus intensément à toi. Tout est comme toujours. J'ai du travail et du succès. Il y a des hommes autour de moi d'une manière ou d'une autre, mais ça n'a guère d'importance. Tu sais, des choses belles et ternes se répartissent sur les jours qui s'enfuient. Ingeborg. Paris, 20 juin 1949. Ingeborg. C'est de façon imprécise et tardive que je viens cette année. Mais il en est ainsi peut-être uniquement parce que j'aimerais que personne d'autre que toi ne soit là lorsque je poserai des fleurs de pavot, beaucoup de pavots, et de mémoire, tout autant de mémoire, deux grands bouquets lumineux sur ta table d'anniversaire. Depuis des semaines, je me réjouis de la venue de cet instant. Paul. Vienne. 24 juin 1949. Toi, chérie, c'est parce que je n'y ai pas du tout pensé qu'aujourd'hui, la veille du jour, n'était-ce pas aussi comme cela l'année passée, ta carte a littéralement volé jusqu'à moi et m'est allée droit au cœur. Oui, c'est comme ça, je t'aime, je ne te l'ai jamais dit à l'époque. J'ai de nouveau ressenti le pavot, profondément, très profondément. Tu as fait de la magie si merveilleusement, je ne pourrai jamais l'oublier. Parfois, je n'ai qu'une envie, c'est de partir et de venir à Paris. De sentir comment tu me saisis les mains, comment tu me saisis tout entière avec des fleurs, et puis de nouveau de ne pas savoir d'où tu viens ni où tu vas. Pour moi, tu viens de l'Inde, ou d'un autre pays encore plus lointain, sombre et brun. Pour moi, tu es désert et mer et tout ce qui est secret. Je ne sais toujours rien de toi et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent peur pour toi. Je ne peux pas m'imaginer que tu aies les mêmes choses à faire que nous autres ici. Il faudrait que j'aie un château pour nous et que je te fasse venir auprès de moi pour que tu puisses y être mon seigneur ensorcelé. Nous y aurions beaucoup de tapis et de la musique et nous inventerions l'amour. J'y ai souvent réfléchi. Corona est ton poème le plus beau. Il est la parfaite anticipation d'un instant où tout devient marbre et le reste pour toujours. Mais pour moi, il ne sera jamais temps. J'ai faim de quelque chose que je n'obtiendrai pas. Tout est plat et fade, fatigué et usé, avant même qu'on en ait fait usage. À la mi-août, je compte être à Paris, mais seulement pour quelques jours. Ne me demande pas pourquoi ni à quelle fin, mais sois là pour moi, toute une soirée, ou deux, ou trois. Conduis-moi au bord de la Seine, nous y plongerons nos regards jusqu'à ce que nous devenions de petits poissons et que nous nous reconnaissions. Ingeborg. Paris, été 1949. Ingeborg, chérie. Juste quelques lignes, en toute hâte, pour te dire combien je me réjouis que tu viennes. Espérons que cette lettre te parviendra encore à temps, et que tu m'écriras pour me dire quand tu arrives. Puis-je t'attendre? Ou ne le puis-je pas, vu que je ne peux pas non plus te demander ni pourquoi, ni à quelle fin ce voyage? Je suis plein d'impatience, chérie. À toi, Paul. Paris, 20 août 1949. Ma chère Ingeborg, tu ne viendras donc que dans 2 mois? Pourquoi? Tu ne le dis pas. Tu ne dis pas non plus pour combien de temps, ni si tu vas avoir une bourse. Dans l'intervalle, nous pouvons, proposes-tu, échanger des lettres. Sais-tu, Ingeborg, pourquoi je t'ai si rarement écrit pendant toute cette année? Ce n'est pas seulement parce que Paris m'avait acculé à un silence effrayant, dont je ne parvenais pas à me libérer, mais aussi parce que je ne savais pas ce que tu pensais de ces brèves semaines à Vienne. Que pouvais-je conclure de tes premières lignes jetées furtivement sur le papier, Ingeborg? Je me trompe peut-être. Peut-être la faute nous incombe-t-elle à tous deux. Si ce n'est que je me dis parfois que mon silence est peut-être plus compréhensible que le tien, parce que l'obscurité qui me l'impose est plus ancienne. Comme tu sais, les grandes décisions, il faut toujours les prendre seules. Quand ta lettre est arrivée, celle dans laquelle tu me demandais si tu devais choisir Paris ou les États-Unis, je t'aurais volontiers dit combien je me réjouirais si tu venais. Peux-tu comprendre, Ingeborg, pourquoi je ne l'ai pas fait? Je me disais que s'il t'importait effectivement un peu, c'est-à-dire plus qu'un peu, de vivre dans la ville dans laquelle moi aussi je vis, tu ne m'aurais pas demandé conseil. Au contraire. Une année entière s'est écoulée, une année, durant laquelle il t'est certainement arrivé toutes sortes de choses. Mais tu ne me dis pas quelle distance sépare cette année de nos mois de mai et juin à nous. Es-tu loin ou es-tu proche, Ingeborg? Dis-le-moi, pour que je sache si tu fermes les yeux quand maintenant je t'embrasse. Paul. Vienne, 25 août 1949, lettre envoyée 3 mois plus tard. Mon amour, cette lettre ne sera pas facile. Sans question et sans réponse, une année est passée, avec des petits mots peu nombreux, mais très tendres, de tout petits essais de paroles, dont à ce jour il n'est pas encore sorti grand-chose. Te souviens-tu encore de nos premières conversations téléphoniques ? Combien cela a été difficile. Moi, quelque chose ne cessait de m'étouffer. Un sentiment qui n'était pas sans ressemblance avec celui qui jusqu'ici portait nos lettres. Je ne sais pas si tu en conviendras avec moi, mais je veux bien le supposer. Ton silence était sûrement différent du mien. Pour moi, il va de soi que nous n'allons pas parler maintenant de toi ni de tes motivations. Elles m'importent et m'importeront toujours. Mais s'il faut mettre quelque chose dans la balance, alors que ce ne soit rien qui te concerne, toi. Pour moi, tu es toi. Pour moi, tu n'es coupable de rien. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, mais je me réjouirai du moindre mot. Pour moi, il en va autrement. Je suis sans doute la plus simple de nous deux, et pourtant c'est à moi de m'expliquer. Parce que pour toi, c'est plus difficile à comprendre. Mon silence signifie avant tout que je voulais conserver les semaines comme elles étaient. Je ne voulais en effet rien d'autre qu'avoir de temps en temps, par une carte de toi, la confirmation que je n'avais pas rêvé, mais que tout était vraiment comme c'était. Que je t'avais aimé sans que rien n'ait changé. Puis est arrivé ce printemps, et tout est devenu plus fort, plus ardent. De nombreux projets ont vu le jour. Je voulais aller à Paris, te revoir, mais je ne peux pas te dire pour quelle raison ni dans quel but. Je ne sais pas pourquoi je te veux ni à quelle fin, et j'en suis très contente. D'habitude, je ne le sais que trop bien. Pour moi, il s'est passé énormément de choses cette année. J'ai pas mal avancé, j'avais beaucoup de travail, je me suis débarrassée de quelques premières choses en les écrivant, avec énormément de doutes, d'inhibitions, d'espoir. Sais-tu encore à quel point tu étais toujours un peu désespérée par ma franchise sur certaines choses? Je ne sais pas ce que tu veux ou ne veux pas savoir maintenant, mais tu dois bien te douter que depuis toi, le temps n'a pas passé pour moi sans relation avec des hommes. Le souhait que tu avais à l'époque à ce sujet, je l'ai accompli. Cela non plus, je ne te l'ai pas encore dit. Mais rien n'a abouti à un véritable lien. Je ne reste nulle part longtemps, je suis moins tranquille que jamais et je ne veux ni ne peux promettre rien à personne. Quelle distance peut bien séparer nos mois de mai et de juin de tout cela, demandes-tu? Pas un jour, sais-tu, chérie. Mai et juin, c'est pour moi ce soir ou demain midi. Et il en sera ainsi de nombreuses années encore. Tu m'écris avec une telle amertume sur la manière bizarre dont je me serais comportée lorsque j'étais devant l'alternative Paris ou l'Amérique. Je te comprends trop bien, et c'est très douloureux maintenant aussi pour moi que tu aies perçu les choses ainsi. Quoi que je réponde à ce sujet, ce sera faux. Peut-être voulais-je juste voir de la sorte si tu tenais encore à moi, pas de façon délibérée, mais plutôt inconsciemment. Et je ne voulais pas non plus choisir entre toi et l'Amérique, mais quelque chose à l'écart de nous. Et puis s'ajoute à cela qu'il est difficile de te faire saisir à quel point d'un jour à l'autre les projets sont dépassés et prennent un autre visage. Aujourd'hui, il s'agit de bourses dont il ne sera plus question demain parce qu'il faut les solliciter dans un certain délai qu'on ne peut pas respecter et puis il manque des attestations qu'on ne peut pas produire. À ce jour, j'ai réussi à avoir deux recommandations, une pour une bourse d'études à Londres, une autre pour Paris. Mais je ne peux pas te dire avec certitude ce que ça donnera et je fais ces demandes sans idée précise, seulement dans l'espoir qu'une d'entre elles sera satisfaite à un moment quelconque. D'autre part, il y a quelqu'un qui voudrait m'emmener à Paris avec lui à l'occasion d'un voyage privé. Je suis à peu près sûre que ça va se faire, parce qu'un jour cela a déjà failli être le cas. Pour le moment, l'obstacle, c'est moi, parce que les examens terminaux traînent en longueur à un point inimaginable. Tu pourras conclure de tout cela que j'étais très loin de toi. Je ne peux te dire qu'une chose, aussi invraisemblable que ça me paraisse à moi-même, je suis très proche de toi. C'est un bel amour dans lequel je vis avec toi. Et ce n'est que parce que j'ai peur d'en dire trop que je ne dis pas que c'est le plus beau. Paul, je voudrais prendre ta pauvre belle tête entre mes mains et la secouer pour lui faire comprendre clairement qu'en cela, j'en dis beaucoup, beaucoup trop pour moi. Car tu dois bien encore savoir combien c'est dur pour moi de trouver les mots. J'aimerais que tu puisses lire tout ce qui est écrit ici entre les lignes. Ingeborg. Vienne, 24 novembre 1949. Cher Paul, on est maintenant en novembre. La lettre que j'ai écrite en août est encore posée là. Tout est si triste. Tu l'as peut-être attendue. L'acceptes-tu encore aujourd'hui? Le temps, comme beaucoup de choses, est contre nous, mais il faut l'empêcher de détruire ce que nous voulons en sauver. Écris-moi vite, je te prie. Et écris-moi, si tu veux bien, encore un mot de moi. Si tu peux encore accepter ma tendresse et mon amour, s'il y a encore quelque chose qui puisse t'aider, s'il t'arrive encore de tendre la main vers moi et de me recouvrir de l'obscurité de ce mauvais rêve où j'aimerais être lumineuse. Essaie de le faire, écris-moi, pose-moi des questions, débarrasse-toi de tout ce qui pèse sur toi en l'écrivant. Je suis près de toi, à toi. Ingeborg. C'était Le temps du cœur, Ingeborg Bachmann et Paul Celan. Correspondance. Première émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Avec Paul Celan, Bruno Pavio. Ingeborg Bachmann, Elodie Hubert. Narration, Hélène Losseur. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. La correspondance entre Ingeborg Bachmann et Paul Celan est publiée aux éditions du Seuil.